Vous avez fait une erreur. Donc, je vais tuer chacun d'entre vous. Et la seule déception que j'éprouverai, c'est que je ne pourrai le faire qu'une fois. C'était IM, j'ai même plus besoin de dire la suite. Ah, c'est Caliente, tu me reconnais comme Don Pietro. Toujours autant cramé, produit bizarre calé dans le pied droit. L'autant je vais la casser, c'est bombardé, j'arrive à pile, ça m'a dit. Du flow j'en ai assez, c'est. On va te livrer avant ta pizza, l'ami. Il faut qu'on recompte. Si j'ai bon souvenir de la maîtresse, t'inquiète, on maîtrise. Absolue pointe, on m'effraise. Bombarde au radar, on fétiche. Ramène les dirhams. On fait ça bien, je laisse pas de traces pour me suivre. On est toujours en pirate. Si à 400 chevaux, tu vas pas me voir tout de suite. Bep, bep, c'est le flow de la roue arrière. Garde debout avant aussi. Check, check, y'a peut-être les condés juste derrière. Grosse tempête, s'ils veulent nous scier, je suis toujours serein. Tu sais qu'on veut devenir si riche, et tu sais que je suis loin du CH. Bah moi ouais, je suis serein, on s'est renseigné comme Siri. On fait du violet, on s'arrache. Monnaie, monnaie, qu'on s'arrache tous vers Honolulu. Que des frappes en lucarne pour TIM, on lance la oh là là. J'aime compter le bif, enfoiré. Plus le temps de frotter ma bite en soirée. Elle commence timide sur le terrain, t'as l'heure, elle se transforme en soirée. Je fais plus tellement d'heures. Toujours efficace comme le Wandowski. Merci, ça me dit qu'on fait le sky. Y'a des drogues, on pourrait même les vendre au ski. J'arrive à bas, j'écharpe, donc ça me gratte vers le zizi. Petit point apprécié, pas tout le monde qui maîtrise la volée. Zizou, j'ai du mal à être rassasié. T'inquiète, on gère l'accélération. Triplé par habitude, gros doigt d'honneur pour la célébration. On cherche la monnaie, jour et nuit. Voiture cramée, descente à Malaga. Bisous à tous, même aux ennemis. On joue à plus de sac, même si tu me vois à la gare. Toute l'année. Une ombreur, y'a tout illicite. Toute l'année. Me gratte, cessé, en clim félicite. Toute l'année. Une ombreur, y'a tout illicite. Toute l'année. Me gratte, cessé, en clim félicite. On fait la maïro. On vit la night. On vit la night. Dans tout Panango. On fait la maïa. Ça fait la maïa. Y'a du pilon, y'a de la bava pour planer. Regarde en dilon, y'a de la cessé toute l'année. On fait la maïro. On vit la night, on vit la night, dans tout Panango.